مدين المدينة المدينة مدينة en français était autrefois appelée Yathrib. Elle était peuplée avant l'islam des deux fameuses tribus d'El Aous et El Khazraj, ainsi que de certaines tribus arabes et juives. Elle possède plusieurs autres noms. Taba, celle qui est bonne, Al-Haram, le sanctuaire, Taïba, la pure, et Al-Habiba, la bien-aimée. Cependant, elle fut connue comme Al-Madina, la ville, une forme abrégée de l'expression Madinat al-Nabi, ou ville du prophète. Après avoir été le refuge du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à la suite de son émigration de la Mecque. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, en a fait un sanctuaire sacré entre les monts Ayr et Thawr. Ainsi, ces arbres ne doivent pas être coupés et aucune innovation ne doit y être commise. Il a invoqué Allah le Très-Haut afin que cette ville soit aimée des musulmans tout comme ils aiment la Mecque et même plus encore, et il l'implora de la bénir. Il la décrit en ces termes. Elle est comme un four, elle expulse ses souillures, impuretés, gens vils et mauvais, et purifie ses biens. Hadith rapporté par Muslim. Médine abrite la mosquée du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, Masjid al-Nabi ou Masjid al-Nabawi. Elle est considérée comme étant la seconde mosquée en islam en tant que sanctuaire sacré, la première étant la mosquée de la Mecque. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a émigré à Médine. Ses habitants l'ont accueilli et l'ont pleinement soutenu. Ainsi, elle est devenue la capitale de l'islam. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, mourut et fut enterré à Médine. Sa tombe est toujours présente dans cette cité.